Ramène-moi sur la pierre brûlante où les récifs s'abreuvent de l'origine du monde, où les vapeurs se meurent entre elles et entrent en transe. Ne m'éloigne jamais de l'esquisse de la pulsion, où la cadence danse autant sous l'orgie de la dissonance que de l'harmonie. Ne nie jamais ma présence, mon ombre en fait partie. Participe avec moi, ose l'accouchement de nos mouvements, main dans la main, déclarons notre osmose. Ça, on appelle ça là, du direct rapide. Hein? C'est, On n'a rien compris, il y avait de l'écho. Pardon, Mme Thibodeau, qu'est-ce que... On n'a rien compris, il y avait de l'écho. Ah, il y avait de l'écho, vous n'avez rien... Bon. Alors, on reprend. Ne vous en faites pas. On est habitué ici là, de reprendre et de reprendre et de reprendre et de baisser et de monter et de tenter de faire des pirouettes. Des pirouettes. Même si on fait pas partie là, comment tu les appelles, des gymnastes, on a en fait de la pirouette. Autant intellectuelle que narratif. Alors je reprends avec un peu moins d'écho, mais quand même un peu d'écho. Pas vraiment d'écho, un peu d'écho. Adieu. En allant chez mon oncle, j'ai trouvé deux océans. Celle qui me souriait paraissait si douce que j'en méfie un bon amant. Avec le temps tout passe, elle remonte et descend. Sur la boue il y a de l'orage, mais le ciel brille tout le temps. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le soleil sur la cime que brille un jour l'âme de ton cœur, car il aura marre de la rime. Il en aura marre de la lime. Si tu vois dans l'enfance de l'âge qu'il y a des promesses, tu entendras la richesse du cœur qui se débouche sans entendement. Mais si tu crois que demain s'efface, mais ne tremble pas, nous vivons tous les morts la masse avec dans les maçons. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ça, on peut dire que c'est une chanson improvisée avec des mots qu'on pouvait comprendre et d'autres qui se laissaient désirer. C'était beau. Je suis moi-même ému de ma propre prestation. C'est merveilleux. Là, c'est le texte « Ramène-moi ». Ramène-moi au bord de ta bouche. Non, c'est « Ramène-moi », c'est un de mes textes que j'ai composé. Là. On va vous dire l'exactitude. On n'est pas des faux jetons. Nous avons rédigé, nous, c'est notre équipe, là, le 6 août. C'est un petit 6 août. Samedi six sous, le samedi six sous, six sous. Ramène-moi sur la pierre brûlante, où les récifs s'abreuvent de l'orgie du monde, où les vapeurs se heurtent entre elles et entrent en transe. Ne m'éloigne jamais de l'esquisse de la pulsion, où la cadence danse autant sous l'orgie de la dissonance que de l'harmonie. Ne nie jamais ma présence, mon ombre en fait partie. Mon ombre, pas mon ombre, pas N-O-M-B-R-E, mon ombre, l'ombre, O-M-B-R-E. Là, je ne commencerai pas à appeler tout mon texte, là. Ramène-moi, R-A-M-E, accent serrant, N-E, accent grave, N-E, trait d'union M-O-I, sur S-U-R, la L-A, Pierre P-I-2-R-E, brûlante B-R-U, accent circonflexe, L-A-N-T-E, ou O-U, accent aigu, les L-E-S, récif, ré, c'est, non, il y a juste un S, mais j'en mets beaucoup, là. On sait jamais. Non, je... Là, si tu dis ça pendant 2h30, ce texte-là, le monde pourront plus te dire que t'es un... Que t'es un nénuphar, mon frère, toi qui te caches sous la couche. Ramène-moi. Ramène-moi sur la pierre brûlante où les récifs s'abreuvent de l'origine du monde, où les vapeurs se heurtent entre elles et entrent en transe. Ne m'éloigne jamais de l'esquisse de la pulsion où la cadence danse autant sur l'orgie de la dissonance que de l'harmonie. Ne nie jamais ma présence. Mon ombre en fait partie. Participe avec moi. Ose l'accouchement. Ne nous donne... Participe avec moi. Ose l'accouchement de nos mouvements. Main dans la main, déclamons notre osmose. La la la ta la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hey monsieur, hey attends, t'avais le beau rythme. À un moment donné, on dirait que tu glissais. Hein, t'étais en apnée. Ça fait quand? Ce matin, je me suis pas gêné pour me lever. Faut jamais se gêner quand on se lève, là. C'est, tu sais, la timidité, à un moment donné, ça peut te faire régresser. Ah, suis-je réveillé? Dois-je me... Toujours dans la crainte. Dois-je me lever? Qu'est-ce que cette journée m'apportera? De la misère, sans doute, comme toutes les autres journées. Oh non! Oh, mon oreiller qui est tombé! Quelle mauvaise nouvelle! C'est un présage! Un méchant présage! Moi, j'aime pas ça, les présages, parce que ça me crée un film! Ça m'oblige à croire au récit que je me fixe moi-même! C'est comme l'astrologie! Qu'est-ce que c'est que l'astrologie? C'est de la débilité mentale très profonde. Autant que les gens qui jouent à des loteries. M'a gagné. Ben oui, calme-toi. M'a gagné. Tu vas gagner. Tu vas gagner ton ciel, tu vas perdre ton argent. On va être obligé de t'enterrer dans des contreplaqués. Tu vas te faire plaquer par l'impôt, ça c'est certain. Puis encore, là, c'est 100% impôt, mon yachon, ça là. C'est 100% impôt. M'a gagné. La seule façon, regarde, moi, j'ai un truc, je le dis depuis combien d'années, je ne sais pas, là. Je suis dans le radotage. Moi, dans ta vie, là, il y a des paliers, hein. Pourquoi ça plafonne tout le temps? En tout cas, il y a des paliers, parce que je vois de la rougeur, là, au niveau de la rougeur, c'est pas très bon pour les oreilles, il paraît. Est-ce que je monte trop haut? Je monte trop bas? Je monte pas trop bas, j'espère. On n'est jamais assez bas. Bon, en tout cas. Oh non, Madame Thibodeau, j'ai oublié le fil. Le fil conducteur. Oh non, qu'est-ce qu'on fait? On prie. Attendez. Là, je ne sais même pas si c'est saturé, cette affaire-là. Ben, on verra. Peut-être que je fais ça pour rien. Je fais de la récupération, je suis bon là-dedans, moi. Ça fait que quand tu te réveilles, puis tu crains, de mettre le pied sur le sol. Parce que tu t'imagines que ce sera la même chose que la veille. Oh non, moi je connais ça, ça. T'es né pour un petit peintre, Marie. Écoute, moi, t'étouffe-toi avec tes collègues, des grosses croûtes, des grosses croûtes. Des croûtes, pas des croûtes. C-R-O-U-T-E. Je répète. C-R-O-U-T-E. Là, j'ai même pas assez d'humidité. Pas d'humidité, mais de liquidité. Ah, de la liquidité, ouais. Moi, j'ai de la liquidité, man. Moi, j'ai du respect, j'ai de l'argent, tu me respectes. Toi, t'as pas une maudite scène, t'es un crétin, tu vas m'écouter. C'est moi qui mène le monde. Tu veux pas ça que l'argent mène le monde, toi, mon petit pouilleux? Non, je reste ici, mais m'en va te le dire. Bref, je vais te le dire. Non, moi, j'ai pas d'éducation, mais j'ai de l'argent à Saint-Simonac, moi. Moi, j'ai jamais mis les pieds à Paris. Mais j'écoute l'émission Platance Méridienne. La Méridienne s'amuse. Non, c'est la croisière, celle-là, avec lui. C'est tout le temps là. Hey, j'ai jamais... Non, mais rapproche-toi ton... Hey, moi, j'ai jamais vu un gars de même. Un gars de même. J'ai jamais vu ça, moi. Lui, c'est un pété, là. C'est comme un ballon. Il est pété. Hey, en parlant de ballon... C'était même pas prévu. Est-ce que je l'ai enlevé de mes poches? Oh non! On va te faire chanter une petite chanson pour que j'aille chercher le... Oh oui! Ça va être... Ah, oh, il est là! Il y aura pas de chanson. J'ai pris un ballon parce qu'il y a une petite fille hier qui m'a dit... Monsieur? Mademoiselle, moi c'est pas monsieur, c'est Rénal. Rénal? Oui. Rénal? Oui. Rénal! Oui, c'est moi. Rénal! Oui, c'est moi. Rénal! Oui! Hé, hey, Rénal! Hey, j'aurais jamais dû lui dire mon prénom, parce que là, elle s'est amusée là-dessus. Là. Rénal! Hey, tu sais pas que j'ai des problèmes de maison, j'entends mon nom partout. Rénal! Oui! Hé, hey, Rénal! Oui, c'est moi. Peux-tu avoir une balloune? Une balloune? Es-tu en état d'ébriété, ma petite fille? T'as quel âge? J'ai ça! T'as ça. Là, à la radio, là, tu montes tes doigts, le monde ne savent pas, là. Puis ils vont dire, ben oui, ben, le pouce, l'index, elle monte le majeur. Je me souvenais plus que ça s'appelait le majeur, imaginez-vous. C'est un début. Peut-être que l'émission tire à sa fin. Non, ben, pouce, index, majeur. C'est majeur. Ben, ça, êtes-vous majeur, mademoiselle? Majeur, mademoiselle, non. Mais majeur. T'as quel âge? Mais j'ai ça! Elle monte 4 doigts. T'as 4 doigts? J'ai ça! OK. Qu'est-ce que tu veux? Une balloune! Une balloune, pis t'as ça! Pourquoi tu veux une balloune? Déjà là, moi, je suis un Québécois, je peux comprendre la balloune. Il y a du monde, là, quand tu vois les policiers en arrière, ils veulent « Ah, oh, ils me font pas souler dans la balloune! Oh non! » Ça, c'est pour vérifier si l'individu ou l'individuse, parce que ça peut être une méduse. Ça peut être une méduse, ça, on sait pas, là, mais on est devant un fait choquant. La bagnole zigzague. Les policiers sont en arrière. Fait que là, on s'intéresse. Ce qu'on veut savoir. Monsieur, êtes-vous en état d'ébriété? Pas compliqué, là. Souffle dans la balloune. Alors, la balloune, c'est comme un soufflet dans lequel vous soufflez. Un soufflet, mais normalement, moi, je souffle. Dans le soufflet, là, c'est... Puis, avec ça, on vérifie votre haleine. Pas juste les moutons qui ont de la laine, là. Les humains aussi, tous les animaux ont de la laine. La baleine a la laine. C'est de la laine bizarre, là. Ça fait glou, glou, glou, mais c'est de la laine de baleine. Je connais pas trop. Moi, je suis pas dans le milieu de la baleine. Quoique, j'ai mangé de la gélule de baleine, tu sais, les vitamines, là. On me dit, c'est arrobé de gélule de baleine. Eh, monsieur. Il n'y a pas de requin. Je prendrais, moi, le requin marteau. pour devenir de plus en plus marteau. Hey, moi, je connais, moi, je connais, moi, je connais, moi, je sais, moi, j'ai de l'argent, je suis heureux, j'ai de l'argent. Fait que là, la petite fille, ah ben oui, pour venir au flic, tu te fais arrêter, bon, on te demande de souffler pour vérifier ton haleine et voir si tu as un taux d'alcoolémie élevé. Ici, c'est 0.07. C'est KRS, c'est 89.1. Pas pire, hein? On a mis ça, moi, j'ai fabriqué un sifflet d'alcoolémie. C'est KRLien. Quand tu plafonnes à 89.1, t'es correct, t'es heureux! Ça veut dire zéro, là. Zéro, alcool, c'est zéro. Intelligence, c'est supérieur. Éducation supérieure. Réflexion supérieure. Tout est supérieur. Quand tu soupes, t'es rendu à 89.1, c'est correct. Hey! Tu es comme l'aigle. Tu voles et t'observes. Tu as cette faculté de pouvoir réfléchir. Ça ne s'achète pas, la réflexion. Ça ne s'achète pas. Parce que tu as lu, tu as écouté, tu as entendu, tu as pris plein d'informations auditives, visuelles, sonores, même, oui, en tâtonnement, sensoriel, là. En touchant. Ah, oh, oui, ah, ah. Ça, c'est du braille. T'es en train de lire un livre un peu, hein? Histoire d'eau. C'est les passages les plus... C'est quand même pesant. Alors, le ballon. La petite fille, ben, nous, on appelle une sphère de latex gonflable. Certains appellent ça un condom, mais c'était pas un condom, la petite fille. Elle a ça! Hein? Elle a ça! Elle a pas 8 fois ça. Elle a ça! Elle a juste ça! Une main moins un doigt. Moi, c'est le pouce. Je plie le pouce. Parce qu'elle essaye de monter. Je suis pas... tu sais, les comment t'appelles ça? Star Trek, là, les Star Trekers. J'embarque pas là-dedans, Star Trek, toutes ces affaires-là. Là. Attention, c'est la science-fiction, j'aime ça la science-fiction. Moi, je suis déguisé en Last Skywalker. Last Skywalker, connais-tu Last Skywalker? C'est pas un lutteur, Last Skywalker, voyons donc, c'est le bonhomme. Je suis le noir. Ben oui. Je suis le noir. Je suis le Skywalker. Bon, OK. On va lâcher le Skywalker pour parler de latex gonflable, de sphère de latex gonflable, communément appelée balloon. Ça, c'est, je vous le dis, là, ce que je viens de vous réciter, parce que je vais recommencer, entre guillemets. On ouvre les guillemets. Il disait, c'est une sphère de latex gonflable, communément appelée balloon. Et ça, c'est Jean-Guy Moreau qui imitait le maire Jean Drapeau dans les années 80. C'est le texte intégral. M'en souviens. Mon tiroir s'est ouvert, puis le mot, c'est, la phrase s'est propulsée. Alors, je vais gonfler la sphère pour en venir juste à ça. Là, hein, c'est, pour les gens qui ne me croyaient pas, ben voyons, ouais, je vais faire une chanson parce que la petite fille, elle a fait chanter ou pleurer son ballon. Sa sphère de latex gonflable. Communément appelé ballon. Mais la mienne est orange. Je prendrai peut-être des photos, vous verrez ça. Faudrait pas que ça explose. J'allais dire en québécois, faudrait pas que ça pète, man! Mais j'ai jamais dit man. Ok, on va arrêter. Là, on va faire parler à ballon. Le ballon, l'aspect de la tête gonflée, en tout cas. Avec d'autres écoutes, attendez. Zamfir, attention. C'est un succès. Mets d'autres échos que ça. Là. 1, 2, déjà l'écho. Ok, alors on y va. Okay. Ouais. Un autre écho, s'il vous plaît. 1, 2. Avec... Oh, ça, c'est bon. Oups, OK, on y va. Il y a plus d'air qu'attendez. On dirait une baleine. On se tire en bas du 20e étage. Ouais, on appelle ça un coït interrompu. Excusez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, je touche même pas, c'est une bonne écho. Ok, parfait. Alors, on va juste. On fera pas ça pendant 2 heures, je vous le jure. Non, mais on a-tu du plaisir? Hey! C'est ça quand tu payes pas tes impôts. Tu te dégonfles. Monsieur le Président. Monsieur les patrons catholiques. Moi, j'ai ça! OK. Et encore plus, j'ai ça! Non, il est heureux de même. Faut pas. Non, faut pas y déranger. Ils sont déjà assez dérangés. Macha dérangé! Macha! Macha! Monsieur le Président. Messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents, résidentes et pudiques, c'est la première fois que je fais chanter une ballonne, un ballon, une sphère, c'est la première fois, c'est la première fois, peut-être la dernière, mais non, je vais recevoir des critiques, là, on va dire, on t'a laissé des chances, toutes les chances de faire un succès de ton émission, puis on se rend compte que c'est la banqueroute. On s'en va notre père. On n'est plus capable. On a la carlotte qui giclote. On est sur le bord de la crise. L'OTAN est à nos pas. Puis... À nos pas, attendez. Selon moi, c'est plus qu'à nos pas, là. L'OTAN! Non, l'OTAN est dans quelques minutes. Quelques jours, quelques heures. Attendez. Décembre, janvier, décembre. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ça, c'est pas bon de dire ça en direct. Là. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Hein? Juillet, août, 3, 6, 9, 12. OK. Il y a 4 ans, il y a 4 saisons. Hey, wow, ça va bien. J'ai demandé à ma mère les quatre saisons. Mais là, dit comme ça rapidement, là, il y a déjà 2 ans. Automne, été, printemps et juin. C'est intéressant, ça. Alors, moi, attendez. C'est moi le deuxième. Je m'en vais vers là, moi aussi. Juin, juillet, août. Août, septembre. Ah, ouais, le mois d'août. 3, 6, 9, 12. Ah, bon. Je suis en train de me rendre compte que c'est l'automne. Peut-être bientôt l'automne. Monsieur le Président! Ça va pas, non, je sais. Les carottes sont chères cette semaine. Je m'en suis acheté 2 casseaux. Ils m'ont dit, c'est pas des fraises, mon champion, c'est de la carotte. Là, je m'y dis avec ça. Je m'y dis, moi. Je m'y dis. Tout le monde ensemble, on médite. Ce qui est bien, là, quand on est une foule, on amène beaucoup plus d'énergie que lorsqu'on est seul. J'apprends rien à personne. Tout le monde le sait. Sinon, ben, tu viens de le savoir, Raymond. Ah, Gamouré, il pleure. Donnez-moi. Oui, je sais, t'es imbécile, mais tu vas t'améliorer. Écoute mon émission chaque semaine, tu vas t'améliorer. Vers le bas, pas vers le haut. Mais en tout cas, c'est une autre histoire, ça aussi. On y va? Pendant une minute. Une minute, chrono. On va amener des ondes, donc en chantant des incantations. Calculer, fuseau, tâche, chronomètre. Alors, les incantations, c'est... Tout le monde ensemble. Puis, ce serait mieux d'être assis en indien, hein, les jambes croisées. C'est ça, être assis en indien. Si vous êtes indien, là, c'est encore beaucoup plus intéressant. Vous êtes au carré avec nous. Donc, on va amener une source positive pour tout ce qui ne va pas dans notre semaine, dans notre... Puis pas juste nous, là, la planète, on sent que ça ne va pas. En tout cas, moi, je sens que ça ne va pas. Là. Mes rôtis ont brûlé 2 fois cette semaine. En tout cas, c'est une autre histoire, ça aussi. Alors, on y va? OK? une minute, 60 secondes, incantation positive. Je devrais faire ça à chaque semaine. Ce serait bon. Vous allez voir, il va se passer quelque chose. Comme à chaque émission d'Errance Rinaldienne. On y va? Pas vrai, j'ai fait 2 minutes. Je pensais avoir fait 1 minute, j'ai fait 2 minutes. On s'excuse infiniment auprès de nos auditeurs, auditrices. Quand on part en transe, on ne sait pas où on s'en va. Hein? Monsieur le Président, ils vont m'appeler. Écrivez-moi, Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC, @commercial.hotmail.com. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés et vos chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue! Bienvenue chez vous! Enlevez vos souliers, mettez ça dans le bain! Hey! Y'a de la feuille, hein? Hey, monsieur! Y'a de la feuille! Oh, y'a de la feuille dans l'arbre, l'arbre dans ses feuilles, malédon, malédé, l'arbre dans ses feuilles, malédon, dondé, dans le liard, un petit loup, dans les liards, un petit loup. Y'a un petit loup parce qu'il voulait se prendre pour un oiseau. Il voulait pas se prendre, il voulait manger l'oiseau. Il voulait se le prendre, oui. Moi, je vais me prendre l'oiseau, là. Il est grimpé dans l'arbre. Normalement, ça grimpe pas dans l'arbre, ces affaires-là. Les chats, oui, mais pas ces bébites-là. Puis à un moment donné, il est en haut, même pas pu avoir l'oiseau, parce que l'oiseau est plus... On dit que c'est un oiseau, c'est pas intelligent. Voyons! C'est rusé comme un renal. Mal léché. Le renard et le renal, là. Le renard et le renard, le bédon bédé, le renard et le bédon bombé, dans le renard, il y a un renard, dans le renard, il y a un renard. Renard et le renard, le renard, renard et le renard, le renard. Renard et le renard, le renard, le renard, le renard, le renard. Pas pire, ça! On dirait du caillouche! Oh, quand je m'en vais dans ma prière, quand je cherche ma belle chérie, entre deux caisses de bière, y'en a une qui enlève sa brassière. Dans mon doux maman dénommée, je vais m'enlever, j'ai marré, mangé la joyeuse. Monsieur le Président, bienvenue à l'Histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Reynald Le Néant Gagné. Aujourd'hui, le temps d'une chanson, le temps de dire je t'aime, mais le temps de vous dire aussi que nous sommes le 9 septembre 2016. Tout le monde dit, hein? On entend ça de tout le monde. Que ça passe vite. Que ça passe. Heureusement que ça passe vite. Là. Faut que ça passe vite. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Aujourd'hui, le vendredi, bien sûr, on vous l'a dit. Est-ce que vous vous en souvenez, madame? Étiez-vous attentive? Aviez-vous l'oiseau allumé? Ou le loup allumé? Le loup allumé. La loup allumé le 9 septembre. 9 septembre. Le loup allumé le 9 septembre. Deux jours plus tard, aujourd'hui, le vendredi 9 septembre, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Hey, attendez! Non, c'est ça. Je suis en train de me chicaner moi-même. Attendez, l'autobus est passé, puis on a descendu avant l'arrêt. C'était l'arrêt final. Chou-chou, chou-chou, il y a bien du monde dans la locomotive. Parlant son d'abord. Chou-chou, le chou-chou. Les sons sur la chaussée, les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot. Bref, abaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de mon ami Nicolas Repac. Nicolas Repac, très simple. Il est à la fois guitariste, compositeur, arrangeur et producteur. Il est fondamentalement un homme multifonction. Il va nous raconter, dans cette deuxième partie, toute sa visée intellectuelle, musicale, et surtout le plaisir d'être avec nous sur ce KRL. Ça s'entend, le plaisir. Il faut être juste à l'écoute. Puis même si vous ne l'êtes pas à l'écoute, là, la façon dont il parle, dont nous parlons, l'environnement sonore, nous montre qu'on était heureux lorsque l'événement s'est produit. La preuve, après la musique. Non, Na Liga Nacional, Gabriel Etão, mestre de sertanejo. Caio é, mestre de sertanejo. Nicos Lana Jambo até, a causa da nação, Gabi. Caio é, Gabi, Gabi Leitão, uma fé. Caio é, Gabi, ué. Carolina Cow. Carolina Cow, danse congo jusqu'à fermer malo. Carolina Cow, danse congo jusqu'à fermer malo. Danse congo non la ye congo. Danse congo mwen la ye congo. Carolina Cow, leg nuet is ove engagé. Carolina Cow, leg nuet is ove engagé. Carolina Cow, leg nuet is ove engagé. Carolina Cow, take me to the village. Carolina Cow, take me to the village. Carolina Cow, danse congo jusqu'à fermer malo. Carolina Cow, danse congo jusqu'à fermer malo. Danse congo non la y congo. Carolina Cow. Je voulais être devant, je voulais pas être derrière. Expérimenter aussi, tu voulais expérimenter. Ouais, je voulais être devant, ouais. Je voulais être dans l'avant-garde. Je voulais être. Je préférais être, comment il s'appelle, Roland que Charlemagne. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà, ouais, ben tu vois. Bon, c'est, il s'est fait tuer, tant pis, ouais. Mais je préférais être devant. Voilà. Ouais. Et on était, et je l'étais, hein, parce que là, franchement, à l'époque, il y avait encore, la France, elle ronflait un peu sur la vague, un peu, tous les groupes un peu, accordéon, basse. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Ce qui est devenu la variété, mais qu'on appelait à l'époque, tu sais, c'était dans la mouvance des négresses vertes, de la Mano Negra, ah, okay, des ouais, choses ouais, comme ça, qui a donné en France beaucoup de beaucoup, festive, beaucoup ouais, de groupes festifs, ouais, ouais, un peu reggae, un ouais, ouais, peu, ouais, ouais, un peu ouais, alternatif, ska, un peu ska, ska ouais, l'accordéon, on chante comme ça, et ouais, voilà. Ouais, ouais. Moi, c'était pas mon truc. Quoi. Moi, mon truc, c'était Gainsbourg, la voix parlée, la poésie. J'étais fan de L'Homme à tête de chou et de ah ouais, Melody Nelson. Ah ouais, c'est des hommes. Voilà, donc je faisais plein de jeux de mots poétiques. Voilà, je. Alors les critiques n'ont pas compris, mais en même temps, le public était un peu plus discret aussi. Ah ben oui, bien sûr. Le public était plus discret. J'ai pas vendu beaucoup d'albums. Mais c'est pas parce que t'as pas vendu beaucoup d'albums que c'était pas intéressant ou c'était pas bon. Mais bien c'est parce sûr, que bien sûr. C'était autrement. Et tu dérangeais peut-être à cette époque-là, quand les gens voulaient fêter, ouais, ils s'envoyaient. Enfin, il y a des gens qui m'ont repéré quand même. Hein. Oh, oui. J'ai eu quelques papiers, quelques oreilles affûtées, attentives, oui, attentives. Ça m'a permis de. En 99, je me suis retrouvé comme ça au Francofolie pour un concours qu'ils faisaient à cette époque-là. Il y avait 10 artistes, et c'est moi qui ai gagné. Donc j'étais le prix découverte. Ah, en chanson, ah, en 1999, ah, oui, au Francofolie. Donc après, voilà, je galérais, j'avais pas un tourneur, j'ai pas fait une grosse tournée. Je me démerdais, quoi. Je faisais un peu ce que je pouvais, comme tous les artistes d'aujourd'hui. Hein. Ça n'a pas changé, ça. Non, non, malheureusement, c'est non, toujours comme ça. Oui, malheureusement, non. Voilà. Et est-ce que c'est des textes que tu avais mis dans un tiroir et que tu as ressorti, ou si tu voulais pondre quelque chose d'original et d'instantané sur le champ maintenant? Non, il y avait des vieux textes, des vieux textes qui avaient 5 ans, 6 ans, et plus anciens, d'autres que j'ai écrits. J'écrivais tout le temps à cette époque, et c'était des salves comme ça. J'ai toujours aimé écrire. Il est vrai que ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de choses ces dernières années. Ça, alors, là, tu es dans plein de projets, ou si tu n'es pas dans une seule lignée, tu as plein de choses. T'as... Voilà, c'est ça. Donc, il est vrai que ces derniers temps, je tarde beaucoup à sortir un autre disque de chansons. J'en ai un dans mon ordinateur qui est inachevé, qui n'est pas fini, quoi. J'espère en découdre avec lui un jour. J'ose plus dire quand, parce que ouais. Ça fait déjà un moment qu'il est là, mais je fais plein de choses, quoi. Mais j'aime toujours autant chanter. J'ambitionne rien de ce point de vue-là. Je veux dire, j'ambitionne pas de devenir un chanteur et de faire une carrière de chanteur. J'ambitionne de faire des bons disques et que ces disques soient cohérents par rapport à la petite œuvre qui est la mienne, et que, comme les pièces d'un puzzle, que tout, que tous les albums, les uns à côté des autres, finissent par faire un tout. Voilà. Je ne fais pas de différence entre la musique chantée, la parole, la musique avec des paroles, et les albums que j'ai sortis chez nos formats, Black Box ou Swing Swing. Pour moi, c'est le même travail. C'est avec une guitare et un sampleur. C'est comme... Mais ça fait partie de ta carrière solo. De ma personnalité. Non, de ta carrière solo aussi. Et puis, c'est vraiment le reflet de qui je suis. Je suis autant à l'aise juste avec les notes. Je suis qu'avec un stylo pour faire des belles chansons, j'espère. Et voilà, je... Mais ton premier album, c'est en 97. Et ensuite, la réplique, c'est... Tu as fait un autre album solo en 2004. J'ai fait. Mais il y a une absence. Dans l'ordre, j'ai fait La Ville. Oui. Après, j'ai fait Swing Swing. Oui, mais c'est ça, mais il y a quand même une longue période. Parce qu'il y a eu une. Il y a eu une. De 97 à 2004, c'est quand même. Non, mais malheureusement, après ce premier album, j'ai refusé de sortir le deuxième. Avec cette. Refusé. Okay. Avec cet ami producteur qui était mon meilleur ami de l'époque. On s'est vraiment embrouillé. Et j'ai refusé donc dès lors de sortir l'album. Voilà. L'album était fini, mais je trouvais que l'album avait échappé, qu'il ne me ressemblait pas. Il était devenu trop noir, trop dense, et j'avais espéré faire un disque plus solaire. Je l'ai fait. Le temps qui s'est écoulé explique ça. C'est-à-dire que. Non, mais c'est-à-dire que j'ai bien déprimé, d'abord, pendant un certain temps. Après, j'étais incapable de me remettre au boulot, parce qu'il y avait ce disque, il y avait des choses super bien dans ce disque, mais j'ai refusé de le sortir, pour des raisons artistiques et humaines. Voilà. Je me suis bien mis dans la merde tout seul, donc, pendant longtemps, parce que... Après, des convictions fortes pour refuser, c'est quand voilà. même quelque chose. J'ai des convictions et... Oh, tu sais, la vie, on a une vie. Hein. Oui. Elle est courte, la vie. Hein, et... Mais il faut aussi être en accord avec soi-même. Donc, tu es voilà. ce genre de personne. Et moi, j'ai préservé, comment dirais-je, mon intégrité. Et je regrette rien. Ça a été douloureux. Alors voilà, donc j'avais un producteur, j'avais une équipe, des musiciens, j'avais plus rien, plus de label, j'avais plus rien. Je suis reparti à zéro, tout après seul. Non mais ça en voulant pas sortir Swing Swing. Swing Swing, c'est autre chose. Okay. Et j'ai refait donc très lentement mon deuxième album de chansons qui s'appelle La Grande Roue et qui est sorti après. Voilà. Oui. Swing Swing est sorti entre temps, né de la rencontre d'un nouveau producteur qui est toujours mon producteur et ami, Laurent Bizot. Oui. Qui n'avait pas encore créé ce label No Format. Et Swing Swing est d'ailleurs un des trois albums qui ont scellé le démarrage de ce label. Voilà. Il se trouve que j'avais fait des remixes pour Arthur, très jazz, parce que ça m'éclatait, parce que sur Toulouse, comme je te l'ai dit, je suis venu à Paris pour devenir un guitariste de jazz. Je t'ai raconté tout le parcours contrarié. Oui, le processus. Contrarié. Ouais, oui. Mais bon, j'ai toujours été. J'adore cette musique. Enfin, ces musiques de jazz, je les adore. Et j'avais eu l'ambition de faire des remixes il y a longtemps. Hein, c'était en 2000, combien ? J'ai oublié un peu. C'est un album qui s'appelle Inséparable d'Arthur H. Donc il y a deux remixes à moi. Inséparable ? Un album qui s'appelle Inséparable de 2000. Ah oui, non, c'est une trame sonore, une trame de film. Alors, il y a une bande originale. Parce qu'il y a une bande originale qui s'appelle Inséparable. Oui. Et il y a un album de remix. Peut-être qu'il ne s'appelle pas Inséparable, excuse-moi. Non, parce que je connais la discographie. C'est un album de remix qui est sorti. J'ai deux remix dessus, dont deux remix très jazzy que j'ai fait. Que de j'ai fait jazz. Comment ? De cool jazz, de quelle chanson ? De la chanson Inséparable. Oui. Et l'autre, tu me poses une colle, ça va pas me revenir. Ok, peu importe. J'irai voir et j'en parlerai aux auditeurs. Je ferai mon enquête. Ouais, merci. Je vais compléter. Je sais plus si j'ai pas fait deux remixes de la même chanson, mais différents. Ok, ou comme deux ils ont fait à un moment donné. Comme à un moment donné, qu'au jazz a été incroyablement très bien fonctionné. Et puis il y avait des remixes de Cool Jazz, dont deux albums, un de quatre remixes et un autre de trois. Et à travers ces trois-là, il y en avait deux en spectacle. On dirait que les gens savais que c'était un capitaliste. Il faudrait que je révise mes classiques là, parce que là j'ai la mémoire qui se mélange un peu. Je sais plus trop, mais bon. En tout cas, je te parlais de ça pour te dire que Laurent Bizot, ouais, écoutant ces deux remixes, me dit comme ça un peu. Je vais monter un label. Enfin, non, il n'avait pas encore monté de label. Non, non, non. Mais un jour, il m'a rappelé plusieurs mois après en me disant, écoute, je vais monter un label. Tu te souviens ce que tu m'as fait écouter? Moi, si tu as envie de faire un projet comme ça, qui part sur le jazz, je suis partant. Parce que je l'avais un peu allumé. Je lui avais dit, bon, tu sais, moi, parce qu'il adorait ces morceaux-là. J'avais dû lui dire un peu frimeur, mais sincère en même temps. Lui dire, oh, tu sais, moi, ça, je peux t'en faire 20, c'est pas compliqué pour moi. Mais comme tu l'avais dit à un moment donné à la radio, je peux te le faire. Moi, écoute, il n'y a pas de problème. Pareil. Non, c'est ça. Pareil, voilà. C'est bien que tu fasses le lien. Tu vois, oui. Je ne l'aurais pas fait moi-même. Mais c'est sincère. Mais tu es du genre à faire ça. À oser dire quelque chose sans... Non, mais c'est de la sincérité. Oui, oui, oui, je le pensais. Parce que je suis pas un frimeur. Non, je l'ai dit un peu d'un côté, un peu, tu vois, un peu à la légère aussi, en disant, oh, mais moi, je t'en fais 25, si tu veux. Sauf mais moi, que... au défi, mais moi, au défi, je te le fais. Ouais, un peu comme ça, ouais. mais sincère. Oh, oui. Et du coup, lui, Laurent, il a entendu ça et ben, viens, mon gars, viens, lui, il n'a pas oublié, quoi. Il n'a pas oublié, voilà. Ça a donné Swing Swing, voilà. Exactly, what'd you say? She'd bad to it and to be it and down. She'd bad to it and to be it and down. And to be it and bad and boot and bing. She'd bad to it and to be it and down. Did you hear what the lady said? Not exactly, what'd you say? Did you hear what the lady said? Not exactly, what'd you say? Did you hear what the lady said? And to be it and bag it and bump it and bang. Black Betty, black back, baby, where'd you come from? Land back, baby, where'd you come from? CKRL-MF, le 89 à Québec, avec Reynald Dunn. Ça a donné Swing Swing, je me suis lancé dans cette aventure, j'ai samplé de tas de trucs que j'aimais. En t'amusant, comme tu fais depuis le début. Mais comme depuis le début, hein, je fais tout tu en même temps. Tu ne peux pas t'emmerder, c'est ça le but aussi. Et c'est pour ça que je fais des... Je me suis donné une règle, de plutôt que de faire un disque de chansons, puis un deuxième, un troisième, un quatrième, et puis de dire au revoir parce que ça ne marche pas, et d'avoir fait un peu toujours la même musique, je me suis donné de faire des disques qui ne se ressemblent pas, qui soient à chaque fois des disques innovants. Innovants par rapport à moi, à qui je suis, et j'espère un peu innovant quand je fais quelque chose, quoi. Au niveau... musical. Oui, au niveau musical. Mais en même temps, c'est un grand luxe de pouvoir travailler avec d'autres, parce que tu peux mettre de côté la carrière solo et y revenir. Donc, tu vas acquérir de l'expérience et tu vas rencontrer des gens. Donc, tes influences vont être modifiées. C'est pour ça que chaque album solo que tu fais est totalement différent. J'essaye de faire des choses neuves. Oui, c'est ça. Des choses neuves. C'est ce qui me passionne. C'est d'avoir le sentiment d'y être un petit peu arrivé. Je prétends pas, non, être un génie, mais un petit peu arriver à faire des choses neuves, des choses qui durent dans le temps parce qu'elles sont faites de manière artisanale. C'est comme une chaise quand elle est faite par un mec qui l'a faite avec amour. Cette chaise, tu la retrouveras dans 100 ans, elle sera là chez un brocanteur à Québec. Tu retrouveras la chaise. Une chaise faite industrielle, il y a de fortes chances qu'elle disparaisse. Parce qu'on en a plein des comme ça. Elles n'ont pas de valeur, ces chaises. Sauf si le designer a vraiment fait un truc super. Ça peut arriver, mais on s'en fout. Par contre, un truc fait à la main, avec amour, ça restera toujours. Tu vois ? Alors voilà. C'est ça la différence, toi tu es un artisan de la musique. Je sais pas que je suis un artiste. Oui. Je cite l'artisan parce que l'artisan, il fait avec ses mains, il fait comme ça. Mais j'espère que je suis un artiste. Oui, parce qu'il y a une différence entre artisan et artiste. Okay. Au niveau de la définition, il y a le supplément d'âme que l'artiste propose. L'artisan, il a fait une chaise. Ok, ouais, je comprends. Ouais. C'est dans la définition, tu prends le dictionnaire et tu lis le dictionnaire. Un artiste, il y a une valeur ajoutée. Ouais. L'artiste est inutile à la vie. L'artisan, il est utile parce que tu as besoin de t'asseoir sur une chaise. L'artiste, t'as pas besoin. Tu t'en fous de Nicolas Repas que si tu pars sur une île, il y a tellement de disques à écouter. Il y a de fortes chances qu'ils ne prennent pas le mien. Il y a parce qu'il y en a des millions, tu vois. Comme il y en a des millions, on peut tomber sur le tien. Oui, on peut tomber sur le mien, bien sûr. On ne peut pas non plus minimiser le truc. Non, mais bon, on est tellement dans une époque de profusion et de pollution. Oui, mais c'est pas parce qu'on est dans la profusion qu'on est dans l'excellence. Ah ben non, c'est pas parce qu'il y a des milliers d'artistes et de groupes aujourd'hui qu'on a la richesse des années 60 et 70, par exemple. Voilà. À cette époque-là, une fois, j'écoutais Michel Jonas en interview à la radio qui disait, moi, quand j'étais jeune, dans les années 60, lundi, au hit parade, le numéro 1, c'était, je sais pas, Jimi Hendrix. Le lundi d'après, c'était Pink Floyd. Le lundi d'après, c'était les Rolling Stones, les Beatles. C'était incroyable. Quand on a vécu, quand on avait 20 ans, à cette époque-là, c'était la révolution, mais toutes les semaines. Les albums sortaient, c'était des révolutions. Aujourd'hui, des albums qui révolutionnent le monde de la musique, ils sont super rares, tu vois. Alors le nombre d'artistes a monté, de prétendus artistes, mais pas la qualité artistique. Il y a beaucoup de faiseurs, et peut-être beaucoup d'artisans de la musique, mais pas des artistes. À propos de l'humour, il y a Claude Meunier qui disait il y a beaucoup d'humoristes, mais si peu d'humour. Oui. Alors on peut mettre ça à la musique. Il y a beaucoup de musiciens, mais très peu de bonne musique. Très peu de musique. De très bonne musique. Bien sûr, bien sûr. Et à travers tes albums solo et tes albums chantés, les textes que tu proposes, est-ce que c'est des écrits que tu veux faire évoluer avec les autres albums? Est-ce que c'est un suivi? Ou si tu veux créer un univers un peu comme Gainsbourg, La Matinée de Chaux, est un concept, Melody Nelson est un concept. J'ai dans mes tiroirs, j'avais l'ambition quand j'étais jeune, mais justement à cause de Gainsbourg, je n'y suis jamais parvenu. Je voulais faire beaucoup de personnes, lui, hein. Oui, je voulais faire un disque qui s'appelait La Poupée. J'ai écrit toute une histoire un peu sur le modèle de Melody Nelson et de L'Homme à tête de chou, comme ça, très scénarisé, mais sauf que c'était pas bon. Alors, je me suis dit un jour, peut-être quand je serai très vieux, ça sera le moment de lancer. Et puis, non, mais il va falloir le réécrire, le travailler. Pour que ce soit. Tu as cogité, tu sais qu'il y a quelque chose qui flanche là-dedans, mais il y a quand même une lueur d'espoir à travers cette lueur. Voilà, c'est ça. Il y a une petite lueur. Bon, j'y pense pas tous les jours parce qu'après, j'ai allumé plein d'autres projets. Tu travailles en plus dans d'autres projets, tu n'es pas juste. Voilà, c'est ça. Nombriliste de ta carrière à toi, t'es ouvert à tout. Mais pour répondre à ta question, voilà, j'avais une ambition clairement comme ça de d'avoir un concept. J'ai pas le niveau, donc j'ai laissé ça de côté. Si je fais un troisième disque de chansons, J'espère que juste qu'il sera... il faudra le lier aux deux premiers, okay, à ça, la ville, okay, à la grande roue. Oui. Et ils seront tellement écartés, il y aura tellement d'années entre chacun, forcément, ce sera le même homme qui aura écrit, mais pas au même moment de sa vie. Donc dans l'inspiration et dans les mots, il y a de bonnes chances pour que l'écriture, si j'en sors un prochain, pour que l'écriture soit différente de la grande roue. Mais tu veux que ça soit quand même une trilogie. Ouais. Ah. Une trilogie que les gens puissent faire les liens. C'est sûr. Mais que moi ça je pense. Quoi. Moi j'ai toujours pensé la musique en œuvre. Je pense pas la musique. Pour moi c'est l'œuvre qui me plaît quoi. Ce que j'aime au cinéma c'est les réalisateurs. C'est moins les acteurs. Les acteurs on les aime tous quand ils sont grands. Mais c'est les réalisateurs que j'aime. Kubrick il a fait une œuvre. Voilà, ce que j'aime, c'est les gens qui bâtissent une œuvre. Les peintres qui bâtissent une œuvre et les musiciens qui bâtissent une œuvre. Moi, ce que j'aime, c'est l'œuvre. On va voir du Depardieu, on va voir du Coppola. Non, ouais, lui, ouais. Enfin, moi quand je choisis un film, moi, je choisis le réalisateur. Ouais, après, s'il y a Depardieu, bon, super, ça, j'adore Depardieu. Ouais, voilà, c'est ça, voilà. Voilà. Mais moi, je ne vois pas pour l'acteur, mais aujourd'hui, c'est ça, c'est que c'est show business, et le show business, c'est même pas le réalisateur. Des fois, on l'oublie, on l'écrit tellement petit, mais quand c'est Catherine Deneuve, ben là, c'est... Bah oui, oui. Mais pour la musique, parce c'est... Parce que les gens vont au cinéma pour les artistes, mais ils n'ont pas pour le réalisateur. Les gens qui aiment Radiohead, c'est comme les gens qui aiment Stanley Kubrick. Ils aiment des... comme quand on aime un réalisateur. Ah ouais, ouais. Parce que Radiohead, ils ont fondamentalement une œuvre. C'est-à-dire, de disque en disque, c'est un son qu'ils inventent et qui se ramifie et avance, et voilà, c'est ça. Moi, à mon niveau, même si c'est des choses qui semblent un peu de loin disparates, c'est pour moi une œuvre. C'est-à-dire, je fais aucune différence entre les disques que j'ai fait avec Mamani Keita, les disques africains chez sur nos formats, que Swing Swing. Quand j'ai fait Swing Swing, je me suis dit, je vais essayer de faire un disque rétro-futuriste sur le jazz pour les dance floors de notre époque. Il y a un gars en Allemagne et d'autres encore maintenant qui disent, excuse-moi, parce que ça me fait rire un peu, mais qui ont dit de moi que j'avais inventé l'électro swing. Parce qu'il est vrai qu'en Europe, je ne sais pas au Canada comment c'est, mais tu me reprends toujours quand je dis Canada. Oui, je rappelle tout le monde. Parce que je suis québécois, je ne suis pas canadien. Oui, oui, non, mais... C'est une autre histoire, ça. Okay. Non, mais... Et... il m'a, comment dire, il se trouve que Swing Swing c'est 2004. Oui. Il se trouve qu'à partir des années 2008, 9, 10, 11, 12, maintenant il y a une énorme scène qu'on appelle Electro Swing. Alors t'as ouvert la voie, peut-être sans voilà. savoir. Et quand, les gens recherchent effectivement, on trouve le petit français là qui a fait Swing Swing quoi. Mais en général, quand tu écoutes des disques d'électro swing, c'est des beats avec des mecs qui jouent du jazz par-dessus, ouais. Tu vois. Moi, c'est un capharnaüm de samples, mais c'est vrai que ça... Bon, enfin voilà, quoi. Thank you. Alors, c'est toujours sur cette volonté de faire des choses neuves, comme je te l'ai dit. Quand j'ai fait Black Box, je me suis dit, eh ben, comme j'avais fait Swing Swing avec le jazz, moi qui aime tant la musique noire, les musiques noires, c'est vraiment les musiques qui m'ont bercé. Le rock, bien sûr, mais la musique noire m'a vraiment ouvert tout. Enfin, pour moi, c'est, comment dire, c'est toute ma vie, quoi. Enfin, une grande partie. Je me suis dit, ben, le blues, faisant un album, j'ai fait Swing Swing en réaction à l'album de Saint-Germain. Tu vois, ah Saint-Germain, oui, ben oui, ben qui oui. avait fait un énorme oui, carton, oui, oui, oui. mais qui était très commercial. Oui. Moi, je me suis dit, je vais pas faire commercial. Et après, j'ai fait Black Box en réaction au disque de Moby. Qui ah avait oui. fait un très gros carton Exactement. Avec des samples de blues. Moi, je me suis dit, je ne vais pas faire comme ça. Je vais faire en profondeur, pas commercial. Voilà. Parfait. Donc, après, j'ai fait c'est les albums avec... Les albums avec Mamani, la musique africaine que j'adore, est très conservatrice, en fait. On enregistre toujours la même musique depuis toujours. Je me suis dit, je vais faire avec cette artiste malienne une musique avec des samples. Comme j'ai fait Swing Swing et Black Box, on va mélanger avec des vrais instruments. Ça va être génial et ça va être moderne. Il n'y a pas beaucoup de disques africains non. qui sonnent comme ces disques-là. Non. Voilà. Et c'est une étiquette formidable aussi pour les Je gens, travaille toujours comme ça. C'est une très bonne étiquette. Hein. Je veux dire, les gens qui veulent approfondir, il y a beaucoup de très bons albums qui sont sortis sur cette étiquette-là. Donc l'intérêt, c'est de pour les curieux, c'est d'aller voir ce qui se passe. Parce que. Et toi, est-ce que tu as un fil conducteur ou si tu. Tu vois à l'endroit où on te demande. Est-ce que as-tu un fil conducteur dans ta carrière ou dans ton travail ou si tu vas à l'endroit où on te demande? Es-tu sélectif ou t'es curieux puis tu dis ben juste. Les deux en même temps en fait. Okay. Je t'ai cité que des aventures qui sont des accidents. Oui. Tu vois, j'étais guitariste, je voulais devenir un virtuose du jazz. J'ai raté mon coup, je suis devenu un arrangeur, compositeur, j'ai découvert les petites machines, je bidouillais mes trucs. J'ai fait des remixes pour Arthur H et puis ça a donné Swing Swing. D'autres disent de moi que j'ai inventé l'électro swing quand même, ça me fait quand même plaisir. Mais est-ce qu'on a conscience quand on invente? Non, moi je m'intéresse comme un scientifique à ce que je suis en train de faire. Alors je suis en même temps comme le scientifique, si je veux combattre un virus et que j'apprends un truc là, il faut être réactif. Et en même temps, il faut être aussi centré toute sa vie sur le même désir et faire un sacrifice. Alors moi, comme je te l'ai dit, j'essaye de faire des disques neufs. J'essaye qu'un jour je serai mort, j'espère qu'on dira de moi qu'il a essayé de faire des choses neuves, novatrices. Voilà, c'est tout. C'est ce que j'essaye de faire à mon humble niveau. Voilà. Donc, de la chanson, parce que j'ai des amours avec la chanson, et Swing Swing parce que j'ai des amours avec le jazz, oui. Black Box parce que j'ai des amours avec la musique noire, avec Mamani Keïta, des albums un peu modernes comme ça, parce que j'ai des amours avec la musique noire, toujours la musique africaine. Mon prochain album, qui j'espère verra le jour, est un peu sur le... Je travaille sur un projet qui sera assez africain, pour aller encore plus loin dans le processus avec les machines, parce qu'il n'y a pas ça en Afrique. Il n'y a pas non, ça. Non, non. Ça n'existe pas. Donc, comme je vois que ça n'existe pas, je me dis, ben, on peut l'inventer alors. C'est simple, il suffit de l'inventer. Mais les chansons de ton album à venir sont déjà en voix, parce qu'il y en a quelques-unes. C'est un bien grand mot. Hein. Oui, mais en tout cas... S'il sort un jour. Mais admettons, tu as quelques chansons déjà préparées là, qui sont dans ton ordi. Là, est-ce que lorsque tu vas continuer à te consacrer à ça, ceux qui sont déjà préparés depuis belle lurette, depuis quelques temps, est-ce que tu risques de revisiter parce que tu vas avoir modifié un peu les chansons? Bah c'est mon problème en fait avec ce disque-là. Voilà, c'est ça, ouais. C'est mon problème parce que j'ai laissé passer beaucoup de temps. C'est super. Donc, je l'ai commencé après la grande roue et puis je l'ai arrêté parce que j'étais pas fier de moi. J'avais pas le sentiment que j'avais réussi à faire quelque chose de neuf. Okay. Voilà, je trouvais pas ça de neuf. Je trouvais ça. Ressemblait à l'autre. Ça ressemblait à l'autre, donc c'était déjà moins bien parce que ouais. c'était. Bah, l'autre, il était. Tu faisais des imitations de ton dernier album. Déjà de moi-même, ouais, quoi. Ouais, donc j'ai abandonné. Et puis, c'est un peu le problème que j'ai actuellement, c'est que beaucoup de temps s'est passé, qu'il y a des choses nouvelles que j'ai écrites, ouais, qui ont fait de nouvelles chansons, des anciennes qui me tiennent à cœur, que je veux quand même finir et sortir. Alors voilà, là je suis dans un espace-temps plus difficile, oui, un houleux, grand écart. Oui, c'est ça, c'est très houleux. Voilà, c'est ça. J'ai sorti plein de disques, enfin plein, pas mal quand même, entre le moment où j'ai commencé et le moment où je finirai, ouais, ce disque. Ouais. J'ai fait des albums de poésie, ouais, avec Arthur H. Ouais. Et vous êtes allé en tournée aussi ? Oui, oui, en tournée. Ouais. Ouais. Ouais. On repart à l'automne aussi. J'ai vu l'affiche. Et ce travail-là, c'est un travail qui te... On peut même vous assurer qui t'amène aussi plus loin et qui t'amène à te surprendre, comme je te disais tout à l'heure. Lequel travail ? Ben, le travail artistique que tu fais, souvent quand tu réécoutes, tu te surprends sans doute toi-même. Ben j'espère, en tout cas quand je suis content, c'est quand je me surprends. Okay. Voilà. Quand je me surprends pas, je fais la gueule, quoi. Okay. Ben oui. Est-ce que t'es difficile avec toi-même? Je suis les deux à la fois, difficile et indulgent aussi. Parce que je me considère pas... J'ai pas le culte de l'ego, l'artiste, l'ego... Pourtant, même si ça mène très très loin d'être comme ça, des gens comme Prince ou Michael Jackson sont des égos surdimensionnés, ce sont des vrais génies et, ouais, des vrais visionnaires. Ouais. Mais ça, en tout cas, c'est, ouais, ouais, suivre son égo, ça marche. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais moi, j'aime pas trop le... Il y a un autre moyen d'y arriver. J'ai cité le scientifique. Travail. Non, puis le scientifique, il s'intéresse, ouais, il s'intéresse à son travail. À son trip. Il s'intéresse pas à son égo. Non, c'est ça, parce que dans le monde scientifique, c'est le premier qui trouve le vaccin, le premier qui trouve la combinaison magique, qui devient le génie, ouais. C'est pas l'autre. Alors qu'ils sont des milliers, chaque jour, à travailler sur le même truc, à Toronto, à Paris, dans tous les pays, dans les laboratoires, ils cherchent les mêmes trucs partout. Ouais. Et ils se mettent en rapport, ils ont au-dessus de leur ego, ils ont le truc à atteindre. Ouais, alors, j'essaye de m'appliquer ça dans la musique. Il y a un objectif. Il y a un disque africain à inventer qui n'existe pas. C'est mon objectif. Voilà. Ça passe pas par mon ego. Ça passe par la création et par la recherche. Ça passe par... j'espère que je pourrai, avec mes petits doigts et mes petites oreilles, peut-être avoir l'intuition de... De te faufiler à travers ce projet. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a plusieurs chemins, quoi. Voilà. Et ça correspond mieux à ma personnalité. De l'ombre, comme tu as dit au départ. Oui. Artiste de l'ombre. Alors tu es un errant, tu marches non plus sans savoir à quel endroit tu vas aller. Tu es un errant. On est tous des errants, un peu, je pense. On n'est pas... C'est les hasards, les aléas de la vie, les rencontres, les... Les erreurs, les réussites. Le désir qui change aussi, les désirs qui changent, ouais, en cours de vie. On abandonne certaines choses, d'autres qui émergent. Voilà, Swing Swing par exemple, c'est un disque miraculeux pour moi dans le sens où il m'a fait prendre conscience pour la première fois de ma vie, il y a longtemps maintenant, que j'étais capable de faire un disque tout seul sans avoir un producteur et un ingénieur du son et d'avoir des gens, parce que j'étais complexé. Je me disais, ben non, moi je peux faire des maquettes, mais je peux pas faire un truc qui sorte comme ça. Et Swing Swing, il est sorti dans 25 pays. Il a été fait dans ma chambre, quoi, avec mon petit ordi. Et ça a été pour moi une révélation que je pouvais faire un disque entier tout seul, quoi. Alors du coup, ça m'a tellement plu que... Voilà. Voilà. Là, cet été, je vais donc, comme je te l'ai dit, partir à Montréal, mixer un disque, qui est un album de commande d'un producteur qui m'a commandé ça il y a déjà 4 ans, 5 ans. C'est une première dans ma vie. En me donnant le défi d'arriver à bâtir un projet qui revisiterait les univers latino et musique exotica, avec une chanteuse cubaine. Et c'est un projet festif, quand même, et qui, normalement, devrait donner lieu à un groupe, à la naissance d'un groupe, à un groupe plutôt 8, 9, 10 musiciens, pas 2 ou 3 musiciens, quoi. Un truc un peu ambitieux, quoi. Et il m'a balancé ça dans la gueule comme ça, on me dit, j'ai pensé à toi. Alors moi j'ai ramené ça à mon travail, à mon œuvre donc. Je me suis dit, ben, Latino, ça sonne quand même dans mes oreilles. Il est venu me chercher. Latino, c'est des Africains, des esclaves qu'on a amenés dans les Caraïbes, qu'on a fait travailler dans des champs de coton. Et ils ont croisé des Espagnols, des Français. Ça a donné, selon les îles, des cultures différentes. C'est la même chose que Black Box avec... Ça a beaucoup de résonance. C'est la musique noire, c'est toujours. C'est la musique noire. Et pas que noire, c'est la musique noire et blanche. Exactement. Noire et blanche. Comme le blues, c'est une musique noire et blanche, le blues. Donc voilà, je vais partir à Montréal mixer ce disque, enfin, parce que pour diverses raisons... Ouais, ça a pris du temps, 4 ans et demi. Oui, mais c'est pour plein de raisons, parce qu'on a changé de chanteuse, il y a eu des arrêts dans le travail... Mais là, tout le monde est gonflé à bloc. Là. Comment? Tout le monde est gonflé à bloc. Tout le monde est prêt, tout le monde attend. C'est ça? Ben non, ouais. C'est vrai. Ben voilà, j'espère en tout cas que là, le disque sera bien. Et donc, je me suis dit que j'allais faire toujours avec mon sampleur. J'ai revisité le passé, j'ai pris des samples. La frousse, quand tu as des projets comme ça, est-ce que je serai à la hauteur? La frousse, non. J'essaye de m'amuser. Non, je... Tu connais tes moyens, tu sais que tu peux y parvenir. J'essaie de m'amuser. Si je m'amuse, que je trouve un truc bien, je fais écouter au producteur. J'ai fait comme pour moi, quoi. À part que je l'aurais pas fait de moi-même, c'est un disque de commande, je l'aurais pas fait de moi-même parce que j'avais d'autres idées, d'autres ambitions. Il m'a proposé ce projet-là, avec une fille qui chante, donc c'est en trois langues, en anglais, espagnol et un peu en français. Elle est cubaine, c'est pas usurpé, c'est une vraie cubaine qui vit à Paris, c'est pas un truc un peu commercial. Moi j'ai tout fait justement pour que ce soit pas commercial. Le producteur, lui... Il regarde son portefeuille, il dit « Oh !» Forcément, lui, il aimerait bien... Rajouter des billets, s'il vous plaît. Et puis il aimerait bien que ça marche, quoi, voilà. Bon, moi J'ai fait comme d'habitude, quoi, me dire, il faut que ce soit bien, surtout. Donc, il y a des balades jazzy, rétro, c'est un peu rétro-futuriste encore. C'est toujours un peu dans cette mouvance de vieux sons qui rappellent, qui touchent l'inconscient collectif, parce qu'on connaît tous ces vieux sons, parce que même un gamin de 20 ans, il connaît, quoi, il a des oreilles, la musique des années 30, musique des années 40, 50, voilà. La musique d'aujourd'hui, ça sera le vieux son de demain, quoi, tu vois. Donc ce son-là, dans un sampler, ça crée une émotion, toujours une émotion, d'entendre des choses comme ça. Et puis c'est un projet aussi de notre époque. Voilà, je le fais en 2016, avec une fille qui est bien vivante. On a enregistré plein de musiciens, et puis moi je mélange, je fais mon apprenti sorcier, et j'essaye de trouver des combinaisons. Et tu as combien de mois pour faire ça? Tu as 2 mois, 3 mois? Pour mixer? Ouais. Non. D'abord, c'est pas moi qui mixe. Je me rends sur place pour aider celui qui va mixer, qui est Jean Massicotte. Que tu dois connaître. Ah oui. Et qui est mon ami et que j'adore. Et avec qui on a fait des albums avec Arthur. Oui. Voilà. Notamment. Mais toi, tu es là pour superviser. Je suis le compositeur et l'artiste du projet. Donc je me déplace. Je vais à Montréal, je prends femme et enfant. Comme ils ne connaissent pas, ils n'y sont jamais allés, ça fera l'occasion de passer des vacances d'été. Alors c'est 2 mois, ouais, moins de 2 mois. Non, pas, on part 3 semaines. Okay, Et comme j'ai jamais foutu les pieds à New York non plus, on va bifurquer vers New York, prendre le train parce que c'est plus long. Ça sera plus poétique. C'est plus poétique qu'en avion parce que. L'avion survole, mais là on zigzague. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà. On se love. C'est long, c'est 10 heures, mais. C'est long, mais c'est beau. C'est un beau voyage. C'est ce qu'on m'a dit. C'est très contemplatif. Voilà, c'est ça. J'ai 10 questions et on va voir où ça nous amène. Okay. Si tu étais un liquide. Hein? Un liquide. L'eau. L'eau du robinet. à Paris, l'eau du robinet est vraiment... Non, je pensais pas à l'eau, je pensais à l'eau sur terre. L'eau de... Ah, l'eau en général. L'eau de la mer, l'eau sur terre, l'eau du ciel. Je pensais à l'eau comme un élément, l'élément de l'eau. Je pensais pas à l'eau du robinet. Ok. Si tu étais une ville... Je serais... Je peux dire deux villes ? Ah oui. Paris oui. Ou New York. Ah oui, ben oui. Si tu étais une langue... Oh, je serais le français. Une belle langue, hein ? Bah ouais. C'est, puis c'est la seule que je parle. Je parle pas anglais. Je suis trop nul en anglais. Bah, j'étais cancre à l'école, alors j'ai les années où on apprend, j'étais... T'étais pas disponible. Je jouais de la guitare sous le pont de, sous le pont à draguer les filles, avec à fumer des joints. Ah oui, ah oui, mais c'est là que ça passe. Si tu étais une époque... Je serais vers la fin du 19e siècle. Parce que c'est, ça commençait vite. Ouais, ouais, ouais. Si tu étais un mot... Amour? Un mot. Amour. M-O-T. Amour. Amour. Si tu étais un aliment. Un aliment. Le pain. Je réfléchis pas à ce que j'ai dit. Non, non, non. Le pain. C'est ton côté Jésus. Ah ouais, peut-être. Ah oui. Oh là là, amour et... Oh putain. Alors mais c'est bien. C'est... Si tu étais... Non mais le judéo-christianisme, ça rentre pour la vie. Ouais, mais ça, bon, ça me gêne pas, hein. Non, ben d'avoir non. Une vision un peu christique des choses. L'artiste... C'est ma façon de faire le bien sur Terre, j'espère. Mystique, ouais. C'est le côté, j'y ai souvent pensé, quand même on essaye de... Parce que des fois je me dis, bah, tu fais rien dans ta vie, t'es nul, tu donnes pas d'argent dans des œuvres caritatives. Et puis après je me dis, mais bon, j'essaye de faire mon... Donner du bonheur aux gens. C'est, ça, avec... musique, ça sert à ça. C'est donc donner de l'amour et donner un peu de pain aux gens. Ah, voilà. Ouais, c'est bien. Je fais mon Jésus. Oui, ben oui, prenez cela en mémoire de moi. Si tu étais une saison. Le printemps. Ah oui, la renaissance. Ouais. Si tu étais un membre corporel. Ah ça c'est dur ça. Un membre corporel. Bon les jambes. Les jambes. Pour prendre, pour courir, pour fuir. Pour me lever. Ah pour te... Oui, c'est important. Pour me lever. Oui, oui. Pour me lever. Si pour vivre debout. Pour vivre debout. Ah, c'est bien. Ouais. Si tu étais un autre individu. Je serais moi-même. Serais moi. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Ouais. Je ferais le même. On en a qu'un. Oui. Elle est facile. La dernière question était très facile, oui, par contre. Ça dépend. Il y en a qui cherchent beaucoup. Hein. Oui, c'est vrai. Il y en a qui... Mais moi, tu sais, si là je descends et que ma vie s'arrêtait quand un piano me tombe et m'écrase, tu dis... Oh, moi, c'est un instrument de musique. Nicolas est mort sous un instrument de musique. Voilà. Mais tu vois, si tout s'arrêtait là, de là d'où je viens... Déjà, je suis déjà heureux et comblé parce que j'ai réussi à faire. Voilà. Je n'ai pas des gros désirs. Évidemment, j'aimerais bien faire un album, devenir millionnaire, faire une tournée mondiale et que mon nom brille sur de Broadway à Paris. Et évidemment, comme tout artiste, on rêve à des choses comme ça. À mon âge, on rêve moins. Mais je veux dire, je ne changerai rien... Je changerai rien parce que je suis déjà... Quand j'étais gamin et que je me tapais la tête, là, comme je t'ai raconté, sur mon fauteuil, et que j'avais 5 ans, 6 ans, et que je la voulais, cette musique, et je l'ai eue dans un milieu qui ne me la donnait vraiment pas, ben moi, j'ai, quand on me donne pas, je prends et je vole. Voilà. Toutes les lumières sourire des villes. Tous ces matins qui se lèvent, tous ces amours que je ne vivrai pas, tous ces gens que je ne connais pas. Toutes ces étoiles inconnues, toutes ces lumières filantes, toutes ces secondes qui filent, emportant mon éternité, emportant mon éternité. Au bout du monde, au bout du monde. Au bout du monde. Toutes les mers, tous les ciels bleus, au bout de tous ces horizons, toutes ces forces qui me manquent, toutes ces fins du monde. Un homme s'en va. Tous ces destins, tous ces possibles, toutes ces villes au bout des routes, toutes ces chances, tous ces peut-être, peut-être tout au bout des étoiles. Servi tout seul, je me l'ai suppris tout seul, voilà, c'est ça. Est-ce que Repac est ton vrai nom? Ouais, c'est serbe, c'est Repac en serbe, voilà. Nicolas, très heureux de t'avoir enfin eu à mon micro. Également, et parle-moi de ton, parce que j'ai vu, tu es RT, la radio que... CKRL, pardon. C'est CKRL. La première radio associative francophone au monde. Donc, c'est une radio libre en 1974. Ouais. Et nous sommes venus à Paris ouvrir des Carbone 14. Et c'est quoi des Carbone 14? C'est le studio Carbone 14, la radio Carbone 14. Ça vient de chez nous, parce que nous, on est arrivés avec notre savoir-faire, histoire de mettre un peu en place le studio et les satellites et tout ça, pour pouvoir, après ça, laisser aller les Lafesse, laisser aller les Supernanas, laisser aller la folie de la radio associative. Et nous sommes les pionniers. On existe depuis 1974, et la radio libre existe ici depuis 82. D'accord. Et tu vas en faire une interview. Donc moi je fais des rencontres radiophoniques. Donc ce que je fais, c'est que mon émission, c'est une émission variée. Le plancher, c'est mes rencontres parisiennes. C'est-à-dire que je divise ça durant, comme là on a discuté à peu près 95 minutes. Oh. Mais je divise ça pour des tranches de 20 minutes. Donc on va faire trois émissions sur toi. On va diffuser ta musique. Et moi, le début de mon émission, c'est 30 minutes d'improvisation. C'est sur l'absurde, donc c'est l'humour absurde. Et après ça, la locomotive est lancée et on y va avec cette rencontre-là. Et c'est parsemé de chansons. Est-ce que je peux te demander une chose, s'il te plaît. Oui. Avant qu'on se quitte, parce qu'à un moment donné, on va se quitter. Là, va est-ce que tu veux bien enlever tes lunettes, que je vois? Oui, mais là, je te tiens à dire que j'ai une conjonctivite allergique. D'accord. Mais ça ne me dérange pas. Non, alors si tu veux les garder, garde-les. Ça ne me dérange pas, non, voilà. D'accord. Mais j'ai une conjonctivite allergique. Parce que depuis tout à l'heure... Oui, je sais, t'essaies de... Oui, t'essaies pour de regarder quel... Non, mais c'est... Oh, oui, mais c'est flippant. Ouais, voilà. Oui, je en, fait, c'est, en fait, c'est flippant. C'est voilà, ça. C'est ça. Ouais, parce que... Non, non, mais garde-les, excuse-moi, je ne savais non, pas... Non, non, c'est pas grave, mais je tiens à le dire, parce que moi, je reste dans une auberge de jeunesse. Ouais. Et il y a des ventilateurs, et malheureusement, on ne peut pas les relocaliser quand ils sont fixes. Il ne faut pas les régler, oui. Non, on ne peut pas les régler. Et comme c'est sur deux étages, hein, les lits, c'est sur deux étages, le type d'en haut, ben, il va avoir de l'air, donc, ouais, et puis moi, ça m'arrive en plein gueule, donc, ah, merde. Je dors à quatre, il y a des... et ça ne coûte pas cher, donc c'est plus la manœuvre. Et comment tu m'as connu sinon, enfin ma musique? Mais voyons donc, t'es connu. Je ne me rends jamais trop compte. Ben, et puis à travers la collaboration d'autres artistes, Arthur H, entre autres, et puis t'as fait aussi un spectacle avec lui. Oui. Oui, voilà, que tu vas reprendre bientôt. À Montréal, tu veux dire? Oui, ouais. oui, mais que t'as aussi fait en France. Oui, voilà. On a fait L'Or Noir, tu parles de ça? Oui, L'Or Noir, oui. Là, on va jouer maintenant L'Or des Rosses. Oui, c'est okay. un disque de poésie érotique qui est sorti chez Naïve, qui est la suite. On avait monté, je dis on avait, parce que malheureusement, Naïve est en train de couler. Ouais. Mais on avait monté une mini collection de disques de poésie mis en musique par moi et dit par Arthur. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que CKRL te diffuse du coup, donc t'es connu à CKRL comme plein de musiciens et de chanteurs, précurseurs et défricheurs. Donc nous sommes la radio qui nous osons offrir au public autre chose que le commercial. Et t'es vraiment l'artiste idéal. Ça me fait très plaisir. Et je veux prendre des photos parce que lorsque notre émission sera présentée, ben, je veux que les gens voient ta bouille. Ah, oui, oui, okay, bien, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et merci d'être venu, hein, je ne croyais pas. Non, parce mais que souvent, on répond, mais c'est souvent un fan, et le fan ne dit pas l'artiste. Non, là, c'est, non, là, ouais. C'est ma femme. Oui, c'est bien, la femme et la fan. La femme et la fan. Est-ce qu'elle doit aimer ce que tu fais, sans doute? Beaucoup? Bah, j'espère. Sinon, hein, tu vas la laisser. J'espère. C'est ma femme depuis toujours, alors. Est-ce que tu l'as connue en faisant de la musique? Non. Okay. Pas du tout. Mais elle savait que tu étais musicien? Ouais, depuis toujours. Okay. Comme tu sais, je suis musicien depuis toujours. Ah oui. On l'a ou on l'a pas, c'est dans le sang. Non, ouais. On s'est connu sur Toulouse parce qu'elle est toulousaine. Ah oui, ok. Et donc c'est ma femme, je te dis, depuis toujours. C'est-à-dire que bah, j'ai eu des histoires avant. Ouais. Mais La vraie de vraie, c'est elle. Ça fait, je sais plus, je suis avec elle depuis, en 7 ans où les relations durent 4 ans en moyenne, voilà. Moi je suis avec une femme depuis, je compte même plus, 27 ans, 28 ans, tu vois. Alors c'est vraiment un couple très fort malgré vents et marées. Oh oui, ouais voilà. Alors vous pouvez vous dire plein de choses. En précisant, ouais. Avec vents et marées, parce que ouais. La vie n'a pas... Non. La vie et la vie d'un couple, il y a des hauts, il y a des bas, oui, il y a des éloignements, oui, et des rapprochements. Oui, c'est ça. Oui. Et puis il faut changer. On ne reste pas autant de temps avec quelqu'un si on ne meurt pas plusieurs fois, exact. Et qu'on ne renaît pas. Mais parce que si tu essayes de rester toujours pareil, c'est non, mort. Non. Et oui. Ça, c'est encore un reflet de notre société très superficielle. Oui. Tu vois, c'est comme un artiste, quoi. Tu l'écoutes une fois, deux fois, puis tu le jettes. De toute façon, il y en a plein dans mon... J'en ai plein dans mon portable ou j'en ai plein dans mon ordinateur. On s'en fout, tu vois. C'est le même syndrome, en fait. En même temps, un couple fait un enfant, oh, ça va pas, on se laisse. Hmm? Et ça fait un enfant, malheureusement, ambivalent, et une semaine dans l'œuvre. Bah ouais. C'est tragique. Mais là, on a deux enfants, ben ils ont... Ah, mais voilà, mais ils sont quand même assez grands. On vit ensemble. Ah oui, mon fils, il a 16 ans. Bah oui. Ma taille. Bah oui. Ma fille, 12 ans. Ah, ben oui, mais tranquillement. Je suis content de leur faire découvrir Québec. Ah, ben oui, mais... Parce que j'adore Québec, et vraiment, depuis le temps et les années que je leur en parle... Et là, ce sera vérité. On n'est pas des grands voyageurs dans la famille. Et là, pour le coup, je me suis dit, bon, allez, on va ruiner les dépenses. Ouais, ouais. Mais bon, on n'a qu'une vie. C'est ça, il faut en profiter. Voilà, c'est ça. On y va avec des photos... Ça te dérange pas? Ah non, okay, pas du tout. Ok, attention. On y va. Ok. Excellent. La dernière et non la moins. Ok, merci. Tiens, peut-être que... Voilà, merci. Hey, merci Nicole, puis je vais payer tout ça, ça me fait plaisir. Bah écoute, plaisir. C'est gentil, merci à toi. Puis on va se voir à Montréal parce que j'y vais assez souvent. C'est vrai? Oh oui, ben c'est pas loin, c'est 2h30. Cet été, tu veux dire? Oui, ben peut-être. Ah, mais cet été, non, 3 semaines, c'est serré. Là. Parce que toi, tu restes 3 semaines. Je m'en vais le 27. Ok. J'y suis sûr jusqu'au 12. Après, je pars à New York 5 jours. Oui, c'est vrai. Oui. Et je reviens à Montréal vers le 19, 18, je ne sais plus, enfin, par là. As-tu des billets d'avion pour le retour prévu, ou si tu ne sais même pas à quel moment tu vas revenir? Si, mais je ne l'ai pas en tête. Okay. Mais j'ai déjà prévu mon... Ton retour. Je reviens sur Montréal parce que sinon c'est trop cher quand tu pars Québec. Paris, Québec, oui, oui, oui. Et après New York, Paris, oui. C'est hors de prix. Quoi. Ah, c'est vrai, c'est alors vrai. Comme on est quatre, tu vois, j'ai quand même payé les 4 billets. C'est donc on revient à Québec. Et puis ça me permettrait... Non, à Montréal, oui. Ouais. Et ça, oui, mais je disais Québec, la province. Oh, oui, oui, ok, la province de Québec. Oui, ah, la ville de Québec aussi. La hein. Belle province, oui, ah, je oui, sais. La belle province, oui. Je te conseille pas, il y a un restaurant qui s'appelle La Belle Province, je te conseille pas. Où ça, à Montréal? Bah, partout au ah Québec, oui. La Belle Province. Ah, mais je connais, c'est pas une chaîne ça de... Oh, oui, frites, ouais. Hamburgers, très gras, puis ils se font régulièrement frapper sur les doigts pour l'hygiène, donc c'est la merde. Ah oui, non, ce que je vise, c'est d'aller à Montréal, parce que Jean Massicotte m'a dit qu'il y en avait de plus en plus. Il y a des super, enfin, en tout cas j'en connaissais un super restaurant végétarien, où on mange super bien. Le Continental? Et sur Saint-Laurent? À deux pas de son studio. Et tu vas remarquer que, si c'est vraiment ça, la facture, là, les mets fonctionnent au poids, donc tu payes le poids de ton assiette. Ah bon? Incroyable! Ah, c'est bien ça. Oui, oui, oui. God! God! God! God! God. Miette. Dieu. Der Gott. God. Miette. Dieu. American. Miette. God. Der Gott ist Deutsch. God. Miette. Dieu. God. American. C'est facile de choisir avec vos grands gueules. Vous pensez que c'est facile d'être un dieu, un homme, un Saint-Esprit aussi? Il y a des fois je mettrai le feu dans tout ça comme j'ai fait à Sodome, ou je ferai le coup de la marée comme j'ai fait à Noé. Et s'il faut que je vous le dise dans votre vocabulaire, vous me faites. Et puis vous faites la peine à Saint-Pierre, et vous faites pleurer vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs. Et vous me faites de la peine et tout. Français. Nein. Yet. Dieu. Ist Deutsch. God. God is an American. God is an American. Vous pensez que c'est facile de dormir avec vos grandes gueules? Et s'il faut que je vous le redise dans votre vocabulaire, vous me faites. God is an American. God is an American. God is an American. Il y a des fois je recommencerai tout ça sans Eve et sans Adam. Que des chiens, que des chats, que des champs et des bois. Et s'il faut que je vous le redise dans votre vocabulaire, vous me faites. Et puis vous faites la peine à Saint-Pierre,